Voici une lecture par Martine du roman de Pierre Loti, Pêcheur d'Islande. Deuxième partie, chapitre 8. Elle était restée 3 jours avec lui, 3 jours de fête, sur lesquels pesait un apprêt bien sombre, autant dire 3 jours de grâce. Et enfin, il avait bien fallu repartir, sans retourner à Ploubazlanec. C'est que d'abord, elle était au bout de son pauvre argent, et puis Sylvestre embarquait le surlendemain, et les matelots sont toujours consignés inexorablement dans les quartiers la veille des grands départs. Un usage qui semble à première vue un peu barbare, mais qui est une précaution nécessaire contre les bordées qu'ils ont tendance à courir au moment de se mettre en campagne. Oh, ce dernier jour! Elle avait eu beau faire, beau chercher dans sa tête pour dire encore des choses drôles à son petit-fils, elle n'avait rien trouvé, non. Mais c'était des larmes qui avaient envie de venir, les sanglots qui à chaque instant lui montaient à la gorge. Suspendue à son bras, elle lui faisait 1000 recommandations, qui à lui aussi donnaient l'envie de pleurer. Et ils avaient fini par rentrer dans une église pour dire ensemble leurs prières. C'est par le train du soir qu'elle s'en était allée. Pour économiser, il s'était rendu à pied à la gare, lui portant son carton de voyage et la soutenant de son bras fort sur lequel elle s'appuyait de tout son poids. Elle était fatiguée. Fatiguée, la pauvre vieille, elle n'en pouvait plus de s'être tant surmenée pendant 3 ou 4 jours. Le dos tout courbé, sous son châle brun, ne trouvant plus la force de se redresser, elle n'avait plus rien de genêt dans la tournure et sentait bien toute l'accablante lourdeur de ses 76 ans. À l'idée que c'était fini, que dans quelques minutes il faudrait le quitter, son cœur se déchirait d'une manière affreuse. C'était en Chine qu'il s'en allait, là-bas, à la tuerie. Elle l'avait encore là, avec elle. Elle le tenait encore de ses 2 pauvres mains. Et cependant, il partirait. Ni toute sa volonté, ni toutes ses larmes, ni tout son désespoir de grand-mère ne pourraient rien pour le garder. Embarrassée de son billet, de son panier de provisions, de ses mitaines, agitée, tremblante, elle lui faisait ses recommandations dernières, auxquels il répondait tout bas, par de petits « oui », bien soumis, la tête penchée tendrement vers elle, la regardant avec ses bons yeux doux, son air de petit enfant. « Allons, la vieille, il faut vous décider si vous voulez partir. » La machine sifflait. Prise de la frayeur de manquer le train, elle lui enleva des mains son carton, puis laissa tomber la chose à terre pour se pendre à son cou, dans un embrassement suprême. On les regardait beaucoup dans cette gare, mais ils ne donnaient plus envie de sourire à personne. Poussée par les employés, épuisée, perdue, elle se jeta dans le premier compartiment venu, dont on lui referma brusquement la portière sur les talons, tandis que lui prenait sa course légère de matelot, décrivait une courbe d'oiseau qui s'envole, afin de faire le tour et d'arriver à la barrière, dehors, à temps pour la voir passer. Un grand coup de sifflet, l'ébranlement bruyant des roues. La grand-mère passa. Lui, contre cette barrière, agitait avec une grâce juvénile son bonnet à rubans flottants, et elle, penchée à la fenêtre de son wagon de 3e, faisant signe avec son mouchoir pour être mieux reconnue. Si longtemps qu'elle put, si longtemps qu'elle distingua cette forme bleu-noir qui était encore son petit-fils, elle le suivait des yeux, lui jetant de toute son âme cet « au revoir » toujours incertain que l'on dit aux marins quand ils s'en vont. « Regarde-le bien, pauvre vieille femme, ce petit Sylvestre. Jusqu'à la dernière minute, suis bien sa silhouette fuyante qui s'efface là-bas pour jamais. » Et quand elle ne le vit plus, elle retomba assise, sans souci de froisser sa belle coiffe, pleurant à sanglots dans une angoisse de mort. Lui, s'en retournant lentement, tête baissée, avec de grosses larmes descendant sur ses joues. La nuit d'automne était venue, le gaz allumé partout, la fête des matelots commençait. sans prendre garde à rien, il traversa Brest, puis le pont de recouvrance, se rendant au quartier. Écoute ici, joli garçon, disaient déjà les voix enrouées de ces dames qui avaient commencé leur 100 pas sur les trottoirs. Il rentra se coucher dans son hamac et pleura tout seul, dormant à peine jusqu'au matin.